Le voilà, eh ben, on est de retour, hein. Je n'ai pas le temps de pleurer sur mon sort. Okay. Il faut aller de l'avant, l'important c'est que je prenne mon essor. Et plus je vis, j'apprends. J'apprends de mes erreurs. Et tous les coups que je prends au fond me rendent chaque jour plus fort. Et je prends la vie comme elle vient, tant pis. Si demain est gris, je ne serai pas aigri. Je suis d'avis, profiter des miens, oui. Créer des liens aussi, qu'importe les soucis. Après tout, l'important c'est d'avoir toute la vie devant nous. Même si parfois celle-ci nous donne des coups, on s'en fout. L'important c'est d'avoir toute la vie devant nous. Même si parfois celle-ci nous donne des coups. C'est vrai que la vie comporte son lot de problèmes. On est déçu parfois tout autant qu'on aime. Il paraît que l'on ne récolte que ce que l'on sème. Mais on n'est pas tous logés à la même enseigne. Alors j'en vois passer chacun mes regrets. Pour vous cacher ma peine, juste une seconde de dé. Quand la chance ne vient pas, je m'en vais la provoquer. Parfois ça ne va pas, même au point de vue. Okay. Après tout, l'important c'est d'avoir toute la vie devant nous. Même si parfois celle-ci nous donne des coups, on s'en fout. L'important c'est d'avoir toute la vie devant nous. Même si parfois celle-ci nous donne des coups. Ton destin sera parsemé d'obstacles. Tu subiras des attaques. Certains te mettront des tacles. Oui, c'est vrai, mais pas que. Tu y verras des gens souriants et bienveillants qui seront là ayant de cesse de te répéter que tout peut t'arriver et que tout est d'y croire. Ne jamais.